vas-y, laisse-moi réfléchir un peu, histoire de trouver un thème. J'ai des chaînes, me v'la bloquer, j'aurai l'astuce comme dans Hostel, me taire. J'arrive pas, comme passer le temps, même. Et que le mal est de partout, même chez celui qui te s'élume. Si on s'estime de moins en moins, c'est qu'il fallait faire ça. On a fini par être heureux et grandir avec la ça. Indéterminé en se disant qu'est-ce que l'on doit faire, vu qu'on n'a pas le goût à la fête, ou se marrer comme les trois frères, les droits de l'homme, dis-moi. Ça fait longtemps que je vois plus de règles, plusieurs minots sont tombés dans la vodka, la bulle raide, l'inconscience nous a mis raide. Le futur est flippant, les anges ont su parler, mais les démons se confient pas. Sourire, ça suffit pas, là où le bonheur est absent, car on a toujours été fiers de faire partie de ces rapsas. Bloqué à chaque départ, et les barrières, on connaît ça, comme celui qui traîne avec toi, qui sera jamais reconnaissant. Toujours l'air innocent, arrête, on ne refera pas le monde, va faire un tour en Palestine, c'est la calage contre la fronde. En continuant de fermer les yeux, on pourra sauver personne, où chacun mène son train de vie en attendant qu'on sonore sonne. Donc on est loin de la fermer, c'est comme retrouver son calme. Les grandes gueules et mystiques, les barrières restent horizontales. Époque mis en mytho, rester vrai c'est une révolution. Mystique, grande gueule de mi-portion. Authentique MC, micro-test ou en tout. Nique la Indanesse, rebelle comme ma double honnête. On demande pas la parole, on la prend. Génocide en Afrique, politique africaine de la France. Celle qui dit qu'on fait du bruit, qu'on hupe. On est tous cool à la base, c'est la vie qui pousse à faire des sales trucs. Dieu seul nous juge. J'ai des potes, ils en ont rien à foutre du rap. Ils savent chanter devant les juges. Chacun fait ce qu'il peut, t'as vu nos races. Pour calmer les nerfs, j'écoute tes Deep Undergrass. Des colonnes, un peu d'audace, let's go. La vie m'a déjà fait assez de mal, y'a plus rien qui fait raf. Morale d'acier, le rap c'est devenu chelou. Tu peux avoir du buzz avec un album haché. Pour tous les frères qui carburent, faut pas lâcher. On croquera la victoire à la force du poignet. Si tu veux mon avis, l'état des lieux me désole. Grand-toi, deviens pas martyr de la folie des hommes, des hommes. Simplement des jeunes au plein milieu de la foule. Peut-être bien que le seul point commun avec toi, c'est qu'on en a rien à foutre. Nous dis jamais que le courage y'en a pas, tout comme les cousins d'Alger, Constantine, Anneba. D'en bas, on présente tous un danger étranger, mais rien à battre, nous on la ferme pas. Face à leurs flics, leurs discours politiques, ou face à eux qui se disent pour le litige, khlas. Ce qui en tête on le dit haut et fort à tous les frères avec des phases inédites. Quitte à redire, nique sa mère si t'accroches pas. Si t'es vrai toi-même, tu vois de quoi je parle. Tout comme les miens occupés à faire de la maille, ou les autres au QG qui veulent se faire la malle. Ouais, rien à foutre, qui est des bornes à franchir. Combien de fois pris l'autoroute sans même réfléchir. Paix à vous tous. Qu'à la khair, inshallah.